Vous suivez la radio Isanganiro émettant depuis Bujumbura, la capitale économique. Bonjour amis auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les titres. Le président de la Cour de la communauté est-africaine souhaite que les États membres de cette communauté harmonisent les lois pour s'adapter à cette communauté afin de ne pas contraindre leurs États à comparaître devant cette Cour. Vous entendrez Nestor Kayuera, président de la Cour de l'OEAC, dans cette édition. Et la Fédération burundaise de football FFB annonce la construction du stade Intwari conformément aux normes exigées par la Fédération internationale FIFA. Et la chronique sportive de ce lundi sera centrée sur les normes qu'un stade doit avoir. Voilà pour les titres et bienvenue pour les détails. Anselme Irambona est à la monnaie du son. Moïse Misago suit à la présentation. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, l'harmonisation des lois nationales est une obligation pour que les États se conforment au traité de la Cour de justice de l'OEAC. Dans une rencontre avec les responsables du ministère de la Justice ce lundi, le président de cette Cour leur a signifié que les juges et les magistrats sont les premiers à être formés par rapport au fonctionnement de la Cour. Nestor Kayobera a expliqué que si ces derniers ne respectaient pas la loi dans leur jugement, ils contraignent leurs États à comparaître devant la Cour de l'OEAC. Suivez. Aujourd'hui, nous avons vu que c'est aussi important de rencontrer les juges, les magistrats, les responsables du moins du ministère de la Justice pour échanger sur le fonctionnement de la Cour, mais aussi sur la vision totale du traité. Parce que, comme vous le savez, la Cour de justice de la communauté africaine, ses décisions prennent préséance aux décisions des juridictions nationales. Les juges qui ne connaissent pas le droit, qui ne connaissent pas la loi, contre leurs États, ont été portés devant la Cour de justice de la communauté africaine. Pour dire que les juges et les magistrats sont les premiers responsables à être formés par rapport à la compétence de la Cour et le fonctionnement de la Cour en général. Les États et sont posés par rapport à la violation des principes du traité, surtout les principes qui sont repris au niveau de l'article 6 et aussi de l'article 7.2 par rapport aux principes fondamentaux de la communauté et aussi aux principes personnels de la communauté. Nous leur demandons de respecter la loi dans leur jugement, dans leur traitement, parce que le non-respect des lois nationales font aussi le non-respect du traité. C'est pourquoi nous demandons aussi, même aux autorités du pays, de faire que leurs organes, que ce soit les organes exécutifs, les organes judiciaires et les organes législatifs, respectent la loi. La non-harmonisation des lois nationales contre les États a été portée devant la Cour de justice de la parce que l'harmonisation des lois nationales, c'est une obligation du traité. C'était Nestor Kayuera, président de la Cour de justice de la communauté est-africaine. Une réglementation qui va départager les organisations étatiques ANACOP et FONE quant à leur mission est en cours de préparation. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire, de la Sécurité publique dit que ces deux organisations sont confrontées au défi de chevauchement. Martin Iteretse l'a dit à l'Assemblée nationale où il avait été invité pour répondre aux questions relatives au rapport d'audit sur les performances de certaines communes. Suivez-les, il est traduit en français par Jean-Dodier Irakodze. Quant à la question concernant l'ANACOP et le FONIC, nous sommes en train de modifier la loi car on dirait qu'il y a chevauchement. Il faut mettre fin à cela. Nous disons que le FONIC est un fonds. Nous voulons qu'il joue le rôle d'un fonds pour appuyer les communes dans les infrastructures et le développement. Mais pour les coopératives, c'est le rôle de l'ANACOP. C'est l'ANACOP qui doit assurer l'encadrement. C'est vrai, les défis ne manquent pas, mais nous espérons qu'on va réussir. Nous voulons que d'autres acteurs qui veulent appuyer les coopératives passent par ce canal. Qu'il n'y ait pas un bienfaiteur qui octroie un don individuel, mais qu'il passe par le canal de l'ANACOP. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition. Un enfant de 10 ans a été grièvement blessé par l'explosion d'une grenade ce dimanche sur la colline Rugunga de la commune Gihanga dans la province Bubanza, tout près du camp Mudubugu. Les administratifs à la base expliquent que l'enfant était en train de manipuler cette grenade qui a fini par exploser sur lui-même. La même source ajoute que c'est un autre enfant qui avait trouvé cette grenade à l'intérieur du camp Mudubugu et l'a passée à la victime actuellement dans un état critique dans un hôpital de la province Bubanza. Restons toujours dans cette province du nord-ouest du pays où deux chèvres ont été tuées à la machette ce dimanche sur la colline Massare en commune Musigati. Manira Mbona Pascal a été vite conduit au cachot de la police. Les voisins disent qu'il l'a fait dans l'intention de tuer seulement et pas pour voler, n'est-ce pas, Spes Caritas Kavanyan? C'était ce dimanche, au moment où un certain Manira Mbona Pascal de la colline Massare en commune Musigati a pris une machette, a tué deux chèvres de son voisin dans une brousse où il les a trouvés. Les voisins sont vite intervenus, l'ont capturé avant qu'il ne s'évade, ont attaché sur ses épaules les deux corps de chèvres et l'ont conduit à la police où les enquêtes continuent jusqu'à présent selon des sources policières. Les voisins de Pascal Manila Mbona indiquent qu'il aurait fait cela pour se venger. Sa vache est morte samedi dernier et a soupçonné que c'est son voisin qui l'a tué, propriétaire des deux chèvres. Les habitants de la colline Massare ajoutent que des comportements pareils se sont également manifestés sur la colline Nyalusange, même commune de Musigati, où une vache frisonne a été tuée à la machette par des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés. Au niveau de l'administration, on indique que le règlement de compte est un comportement à bannir et que les auteurs sont sanctionnés selon la loi une fois que la culpabilité est prouvée. Spes Caritas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kavanyana de Bubanza. Rendons-nous à Chibitoke cette fois-ci où la production agricole a chuté chez le cultivateur utilisant les eaux des canaux d'irrigation suite au manque des eaux d'irrigation selon ces cultivateurs de la commune de Rugombo. Le directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage indique que ce manque d'eau a été dû aux travaux du curage et des canaux d'irrigation qui étaient déjà programmés pour cette saison sèche passée. Alexis Ndairagij. Les bénéficiaires des canaux d'irrigation du barrage sur la rivière Nyamagana de la commune Rugombo affirment que la production agricole a sensiblement chuté. Certains, un des écolieux de 20 ans de production de riz, ont produit 10 sacs de riz. Le même cas chez les cultivateurs de la patate douce qui font savoir que sur une même superficie, qu'ils ont produit 5 sacs au lieu de 10 sacs. Cette diminution de la production agricole a été enregistrée également chez les cultivateurs de la tomate, d'oignons, d'aubergine, du haricot, du maïs, des légumes et autres. C'est cultivateurs affirment qu'ils ont enregistré des pertes énormes tout en indiquant qu'ils auront du mal à rembourser les crédits des banques. Ils demandent que les travaux du curage se fassent pendant la saison pluvieuse. Cette diminution de la production agricole a été due au manque des eaux d'irrigation, indiquent ces cultivateurs. Le directeur du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Chibitoke, Béatrice Nyabenda, indique qu'au cours de cette saison sèche, il était prévu des travaux de curage des canaux d'irrigation, d'où son manque d'eau d'irrigation. Depuis Chibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis Ndairagije. Je vous le disais en titre, le stade Intwari de Bujumbura sera bientôt construit en conformité avec les standards internationaux qui sont exigés par la Fédération internationale de football FIFA dans une réunion des membres de la Fédération burundaise de football FFB et ceux du ministère ayant le sport dans ses attributions la semaine dernière. Arkadiy Nimbona, vice-président de la FFB, a annoncé qu'une commission a été mise sur pied pour étudier les modalités de construction du stade répondant aux standards acceptable par la FIFA. Et de leur côté, les amateurs du ballon rond souhaitent le respect des standards internationaux lors de la construction du stade Intwari de Bujumbura prévu en 8 mois. Ces amateurs trouvent qu'en ce moment, le Burundi ne pourra plus emprunter un stade pour un match d'ordre international. Suivez ce micro-baladaire de notre station. Pour construire un stade qui honore les normes internationales, il nécessite des vestiaires qui honorent également les normes internationales, des parkings à côté du stade, des hôtels qui sont proches du stade. Exige aussi des routes macadamisées qui mènent jusqu'au stade, alors qu'ils essaient de tout leur possible afin qu'ils puissent être en stade répondant aux normes de FIFA pour que nous ne soyons pas blâmés plus tard de ce que nous avons mal fait. Ce que je pense pour que ce stade soit accepté sur le plan international, il faut tenir compte de l'expertise internationale dans la construction de ce dernier, tout en tenant compte de l'expertise existant au Burundi. Si cela est pris à la légère ou pris en main par des personnes non professionnelles, le terrain qui sera construit risque de ne pas être accepté au niveau international. On aura dépensé beaucoup d'argent et dans ce cas, nous perdrons beaucoup. Après la construction de ce stade, le Burundi en tirera beaucoup de profits. Premièrement, il en tirera un développement inhabituel dans notre pays. Comme avant, nous allions sur d'autres stades. Lorsque nous recevions les matchs internationaux, ça nous mettait mal à l'aise et l'équipe y arrivait fatiguée sur des terrains qui ne sont pas les leurs et était maltraitée. Ce stade apportera donc du réconfort au pays en général et aux joueurs en particulier. Et sans transition hors de nos frontières, une fusillade a éclaté lundi dans une école dans le centre de la Russie et un suspect serait sur les lieux, a annoncé le ministère de l'Intérieur sans faire état de victimes à ce stade. Les premiers bilans font état d'au moins 6 morts et 20 blessés, parmi lesquels des enfants. Et un homme a ouvert le feu lundi dans un centre de recrutement de l'armée russe en Sibérie, blessant grièvement un militaire chargé du recrutement, a indiqué un responsable en pleine mobilisation partielle pour combattre en Ukraine. Le tireur a été immédiatement arrêté. Radio Isanganiro, chronique sport. Le stade capable d'accueillir les matchs de football internationaux doit être construit sous les normes standards mises en place par l'International Football Association Board, dont les mesures réelles du stade en soi. Youssouf Moussi, président de la commission chargée des compétitions au sein de la Fédération de football du Burundi, expliquait que les terrains répondant aux normes standards sont de 4 catégories. Selon lui, les stades de la première catégorie sont ceux qui peuvent abriter la Coupe du Monde Omer Ndouaye. Le stade répondant aux normes standards doit mesurer 100 à 110 mètres de long et 64 à 75 mètres de largeur, explique Youssouf Moussi, président de la commission en charge des compétitions à la Fédération de football du Burundi. Il y a d'abord le terrain en soi. L'heure du jeu doit répondre aux normes exigées par l'International Football Association Board, un des articles contenant les 17 lois du jeu, donc concernant les longueurs, la largeur du terrain, type de gazon, si c'est gazon naturel, si c'est gazon synthétique. Il y a les hauteurs du gazon, il y a le type de gazon synthétique. Donc, tout a été mis dedans pour que l'aire du jeu soit homologuée par la CAF ou par la FIFA. Selon Youssouf Moussi, le stade international doit avoir 4 vestiaires, des joueurs, ceux des arbitres et autres. En dehors de l'aire du jeu, il y a les abords du terrain même. Il y a des dimensions qu'il donne pour que quand les joueurs tombent, quand les joueurs sont fauchés, puissent retomber sur le gazon. C'est pour leur sécurité. Après, il y a les bancs de touche. Les bancs de touche pour les remplaçants et le staff technique. Donc maintenant, il y a des places qui sont exigées. C'est autour de 17 personnes qui peuvent s'asseoir là-dessus. Donc, il y a les remplaçants, plus le staff technique qui doit être là. Et quel type de bande de touche? C'est des bandes de touche qui ne sont pas en métal, couverts aussi quand il y a la pluie, qu'ils puissent être couverts. Ceux qui sont là soient couverts. Après, nous avons les tribunes. Nous devons savoir que le stade doit être pas nécessairement fermé partout, mais au moins avoir un stade avec des places assises. Là, on peut savoir ce stade a une telle capacité. Maintenant, le football se regarde assis, comme si vous êtes dans votre salle de séjour à la maison, en train de regarder votre télévision. C'est-à-dire que les gradins doivent être confectionnés de telle manière que celui qui est devant vous ne soit pas un obstacle pour que vous puissiez voir le match comme si vous étiez à la maison. Les parties annexes, nous avons les vestiaires. Un stade doit avoir au moins 4 vestiaires, de telle façon que si vous jouez à 2 matchs qui se suivent, vous ayez la possibilité de pouvoir utiliser des vestiaires. Il peut y avoir un vestiaire qui n'est pas bien préparé, où il y a une panne d'électricité, où il y a une panne d'eau. Donc, il est utile d'avoir un vestiaire de remplacement pour que l'équipe soit transférée dans l'autre vestiaire qui est dans de bonnes conditions. Il y a aussi le vestiaire pour les officiers de match, donc ça dit les arbitres. Il y a le bureau du commissaire, il y a le bureau de l'officier de sécurité, il y a le bureau du coordonnateur général de match. Actuellement, on exige qu'il y ait des caméras pour qu'on puisse surveiller tout ce qui se passe. passe dans l'enceinte du stade. Il faut qu'il y ait une salle des écrans qui essaie de suivre le mouvement des spectateurs. Ensuite, il y a la zone la plus importante, donc c'est le tunnel. Quand les joueurs rentrent sur le terrain, ils doivent tout d'abord transiter par un tunnel. Ce tunnel doit être homologué. Les stades internationaux sont classés en 4 catégories. Youssouf Mossi, président de la commission chargée des compétitions à la FFB, explique que les stades ayant la capacité d'accueillir les phases finales des grandes compétitions de la Coupe du Monde sont classés au premier rang. La CAF a mis en place un règlement sur les stades. C'est une nouvelle édition de 2022 où les stades ont été classifiés selon les catégories. Donc nous avons catégorie 1 pour les grands matchs, donc les matchs internationaux, c'est-à-dire les phases finales des Coupes d'Afrique. Nous avons les phases finales des championnats des clubs. Catégorie 2, c'est pour les Champions League, les matchs de groupe. Nous avons les éliminatoires des équipes nationales. Nous avons la catégorie 3, donc c'est les matchs préliminaires au niveau des compétitions interclubs. Et nous avons la catégorie 4, ce sont les matchs des jeunes et les matchs du football féminin. Donc tout a été catégorisé selon le type de compétition. Le stade répondant aux normes standards doit avoir des tribunes ayant des places facilitant les spectateurs. Merci Omer Douayo. Et selon le vice-président de la FFB, une délégation de la FIFA est au Burundi depuis la semaine dernière. Cette délégation a déjà visité le stade Intwari et deux autres stades, y compris celui de Ngozi. Et voilà, chers auditeurs, à 13h12, nous arrivons à bon port. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci Anselme Irambona pour la mise en onde. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse régionale. Gardez l'écoute. Actualité régionale. Bonjour ou bonsoir, bienvenue à cette revue de presse régionale. En République démocratique du Congo, à Goma, le maire appelle au non-respect des journées villes mortes décrétées par la société civile, apporte la radio Okapi. Le maire de Goma demande à toute la population locale de vaquer librement à ses occupations lundi le 26 et mardi le 27 de ce mois. Il s'insurge contre les appels aux journées villes mortes décrétées par la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu et les mouvements citoyens. Dans un communiqué, le commissaire supérieur principal François Kabeya Makosa rappelle que toutes manifestations sur les voies publiques sont interdites. À cet effet, il instruit les services de l'ordre et de sécurité de contrecarrer toute éventuelle manifestation publique car non autorisée. Cet officier des FARDC invite également tous les services judiciaires à bien jouer leur rôle à l'encontre de tous ceux qui violeraient délibérément la mesure qui interdit les manifestations publiques. Il demande par ailleurs à la population de vaquer librement à ses occupations ces deux jours. Selon la radio Okapi, pour sa part, le président de la société civile du Nord Kivu, John Banyenye, il a expliqué que le sens de leur activité voulue non violente. Il a précisé en ces termes. Si nous insistons, c'est parce qu'il y a des préoccupations que nous sommes en train de demander à l'État congolais. Nous, comme société civile, nous avons toujours prôné la non-violence et on ne peut pas autoriser une manifestation violente. Il a également ajouté que sa structure n'a pas appelé les gens à manifester dans la rue, mais plutôt à observer seulement à partir de ce lundi deux journées villes mortes en vue de contraindre l'État à pacifier le Nord Kivu. À travers cet appel, la société civile du Nord Kivu exige la reprise de Bunagana, la levée de l'état de siège et le départ de la MONUSCO. Les précédentes manifestations anti-MONUSCO avaient causé récemment mort d'hommes et plusieurs dégâts matériels tant à Goma que dans les autres villes du Nord Kivu. En Ouganda, le gouvernement exclut le verrouillage de Mubende à cause de l'Ebola, titre le journal des Moniteurs. Le gouvernement a exclu la possibilité d'imposer un confinement au district de Mubende, l'épicentre de la souche Ebola Soudan, optant pour le strict respect des directives sanitaires dans les établissements publics et privés. La ministre de la Santé, Dr. Rita Cheng, a précisé ce week-end que le gouvernement ne restreindrait pas la circulation des personnes et ne fermerait pas les lieux publics. Le gouvernement mobilise plutôt la population pour qu'elle suive des directives sanitaires strictes, reste vigilante et collabore avec le personnel de santé. Les marchés, les écoles et les magasins resteront ouverts. Envoyez les enfants à l'école, mais restez vigilants et coopérez avec les équipes de santé sur le terrain, a-t-elle déclaré. Le groupe de travail national Ebola avait enregistré ce dimanche 16 cas confirmés d'Ebola, 18 probables et 21 décès, avec un nombre cumulé de personnes de contact de 213 à la suite de la souche d'Ebola Soudan, confirmée pour la première fois le 19 septembre à Mubende. Le train de Dodoma Dar part au départ du chemin de fer Standard Gauge Railway, écrit le journal Mwananchi. La commission parlementaire des infrastructures a commencé son voyage de Dodoma à Morogoro, en train en passant par le nouveau chemin de fer. Ce lundi 26 septembre 2022, ce sera la première fois que le nouveau chemin de fer fera circuler en très longue distance de Dodoma, Morogoro à Dar es Salaam. S'exprimant au début du voyage, Kadogo a déclaré aux parlementaires que la construction du chemin de fer de Dodoma à Dar es Salaam est en bonne voie et que d'ici décembre 2022, un train à grande vitesse pourra voyager de Dar es Salaam à Dodoma. Cependant, les députés ont utilisé un train normal sur la nouvelle voie ferrée. Sa vitesse était donc normale, pas aussi rapide que le nouveau train passera. Les parlementaires sont informés des étapes de construction de chaque station, notamment au niveau des stations de refroidissement. Ainsi s'achève cette revue de presse. À la présentation, vous étiez avec Vestine Boutoyi. Qui genre de Dieu il a causé. Au revoir. Actualité régionale.